Gabriel Vicaire, Rosette en paradis, tiré du recueil À la bonne franquette, à Tony Révillon. Rosette de Paris chausse tes souliers gris, passe la robe à traîne toutes tes fanfreluches. Rosette de Paris, allons en paradis. Deuxième partie. Hélas, le bon Saint-Pierre, le concierge des cieux, hélas, le bon Saint-Pierre n'est pas trop gracieux. Pour admettre Rosette, Rosette et ses chansons, pour admettre Rosette, il fait des façons. D'où venez-vous, la belle au collier de corail? D'où venez-vous, la belle en si folle attirail? À Paris, la grand ville, Saint-Pierre, mon cousin. À Paris, la grand ville, j'étais en magasin. À Paris, dans la rue de l'ancien doyenné, à Paris, dans la rue, j'ai pas mal gaminé. Ah, cet endroit, ma fille, est bien mal fréquenté. Ah, cet endroit, ma fille, manque de sainteté. Oui, mais comme on s'amuse, Saint-Pierre, mon ami. Oui, mais comme on s'amuse, on n'est pas endormi. On babille, on s'habille, on est toujours courant. On babille, on s'habille, et le mal n'est pas grand. Mais comment, ma petite, serviez-vous Jésus-Christ? Mais comment, ma petite? J'avais beaucoup d'esprit. J'étais la plus jolie, je savais bien danser. J'étais la plus jolie qui se fit embrasser. Troisième partie. Saint-Pierre a fait trois fois, en secouant ses manches, Saint-Pierre a fait trois fois le signe de la croix. Vous avez l'œil trop doux, et vos mains sont trop blanches. Vous avez l'œil trop doux pour habiter chez nous avec de pauvres gens absolument rustiques, avec de pauvres gens pas trop intelligents. Comment feriez-vous donc pour chanter nos cantiques? Comment feriez-vous donc? Allez, tirez le cordon. Je sais la mère Angot, chantez la belle affaire. Je sais la mère Angot, écoutez-moi plutôt. Mais nos concerts pieux. Il s'agit de s'y faire. Mais nos concerts pieux. Tout ira pour le mieux. Non, non, assez causé, maudite pécheresse. Non, non, assez causé, je suis scandalisée. J'eus le cœur inconstant, je n'étais que tendresse. J'eus le cœur inconstant, n'en peux-tu dire autant? Naguère au coin du feu, dans la cour du grand prêtre. Naguère au coin du feu, tu rognas ton Dieu. Et le coq a chanté, comme avait dit le maître. Et le coq a chanté, criant à lâcheté. Je n'aurais fait jamais, pauvre petite femme, je n'aurais fait jamais tort à ceux que j'aimais. Adieu, mon chapelet. Enlevez cet infâme. Adieu, mon chapelet. Silence, pipelet. Quatrième partie. À peine il entend ce mot malsonnant, tout le paradis sort en bourdonnant, comme autour des treilles un essaim d'abeilles. Voici Saint-Maurice en soldat romain, le grand Saint-Joseph un lys à la main, Sainte Perpétue, toute de blanc vêtue. Voici Saint-Antoine avec son cochon, Saint-Roch et son chien, un parfait bichon. Saint-Vincent, un signe patron de la vigne. Et puis Saint-Jérôme et Saint-Augustin, qui savaient très bien écrire en latin. Le bon Saint-Grégoire qui préférait boire. Saint-Éloi, ministre et grand forgeron. Saint-Denis-des-Champs, bonhomme tout rond, qui comble de graisse les chapons de Bresse. Saint-Loup, Saint-Maclou, Saint-Cloud, Saint-Crépin, Bruno le Chartreux, l'évêque Turpin qui tint la campagne avec Charlemagne, enfin Saint-Ursule et Monsieur Renan. Et derrière vont, trottant, trottinant, 11 000 vierges qui portent des cierges. Cinquième partie. Ciel, qu'ai-je entendu? Dit sœur Cunégonde. C'est la fin du monde, tout est perdu. Mon Dieu, quelle affaire! Répond frère Jean. Que c'est affligeant! Que va-t-on nous faire? Notre-Dame à nous, soyez-nous propices. Et voilà Sulpice qui tombe à genoux. Mais quand les apôtres clameraient en chœur, Rosette a du cœur, elle en a vu d'autres. Elle fait trois pas, le poing sur les hanches, et ses barbes blanches ne la troublent pas. La bonne folie! Habitant des cieux, voyez donc mes yeux, je suis très jolie. Pourquoi ces nez longs et ces faces mornes? Je n'ai pas de cornes sous mes cheveux blonds. Je sens la framboise, et non le roussi. Je n'ai pas de souci de vous chercher noise. Chez vous, c'est parfait, bien qu'un peu rocaille. Et votre Versailles est d'un bel effet. Le logis, la table, tout est fort plaisant, tout est reluisant, tout est confortable. Je ne dis pas non. Et c'est peint à la fresque. Et cela vaut mieux que le Grand Trianon. Surtout vos portiques sont du meilleur goût. Hélas, voilà tout. Et puis, quel cantique! Toujours du plein chant, du soir à l'aurore. En latin encore. Ce n'est pas méchant. Baste, laissez-moi dire, brebis du bon Dieu. Attendez un peu, vous allez bien rire. Il va à son prix, Paulus est fort tendre. Je veux vous apprendre les airs de Paris. Mille fariboles que nous connaissons, un tas de chansons folles, folles, folles. Sixième partie. C'est ainsi, m'a-t-on dit, que la belle parla. Mais le ciel n'entend pas de cette oreille-là. Scandale énorme! Autour de Rosette, impassible, un cercle s'est formé. Seigneur, est-ce possible? Encore ce Lucifer qui veut abuser. Vite, vite, l'eau sainte, il faut l'exorciser. Et pour la voir de près, on se heurte, on se pousse. Au premier rang, pourtant, un vieux saint d'humeur douce murmure. Laissez-la, soyons plus complaisants. Voyez comme elle est jeune, elle n'a pas 16 ans. Mais la troupe céleste, oh la dévergondée, qui ne connaît ni Dieu ni diable, a-t-on idée d'une chose pareille? Est-ce que par hasard on recrute à présent les saints à l'Alcazar? L'avez-vous entendu avec notre concierge? Elle croit, j'imagine, être dans une auberge. Et Rosette, toute très digne en son petit complet, dit « C'est beaucoup de bruit pour un pauvre couplet. Que de propos en l'air, que de billevesée. Vous n'avez donc jamais vu les Champs-Élysées ? Ah, vraiment, c'est trop fort. Vous ne connaissez donc ni Rueil, ni Chatou, ni le bois de Meudon ? Vous n'avez jamais fait l'ombre d'une fredaine ? Vous ne savez pas l'air de la Brigue d'Ondaine ? Vous ne riez jamais ? Je vous plains, bonnes gens. Vous en seriez meilleur et bien plus indulgent. Grand haro, pour le coup. On crie, on s'égosille. Enlevez la sorcière. À la porte, la fille. Quand tout à coup, chacun reste le bec dans l'eau. C'est le Père éternel, c'est le bon Dieu. Tableau. Comme un pâtre, appuyé sur son bâton d'érable, il entre, caressant sa barbe vénérable, et dans les plis royaux de son long manteau bleu, frissonne un soleil d'or. Intimidée un peu, Rosette gentiment a fait la révérence. Et lui? Mes chers amis, cet enfant vient de France. Vous n'y comprenez rien, je n'en suis pas surpris. Nous n'avons pas ici grand monde de Paris. Mais quoi? Le cœur est bon si la tête est légère. Saint-Pierre, en ton bercail, reçoit cette bergère. Elle a l'éclat de rire et le parler joyeux. Ouvre! Pour cette fois, nous fermerons les yeux. Septième partie. C'est ainsi que Rosette devint sainte en paradis. C'est ainsi que Rosette a cessé d'être grisette. Adieu les belles manières qu'on avait au temps jadis. Adieu les belles manières en usage aux pondanières. À côté de Madeleine, elle est assise au lutrin. À côté de Madeleine, elle chante à perdre haleine. Et dans ses mains paresseuses fleurit un beau romarin. Et dans ses mains paresseuses, on voit des roses mousseuses. C'est une âme toute pure. Qui de nous aurait cru ça? C'est une âme toute pure, avec un brin de guipure. La plus charmante âme blonde, ô vous tous qu'elle embrassa, la plus charmante âme blonde, que Dieu garde dans l'autre monde. Lue par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence A.